À l'occasion de la journée de la brillante étoile, rassemblements, séminaires, expositions de livres et de photos et séances de films ont eu lieu à Cuba, en Norvège, au Danemark, en Suisse, en Espagne, en Italie, en Pologne et en Afrique du Sud. Dans les salles de cérémonie étaient exposées les photos montrant la vie révolutionnaire et les exploits du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et les photos des activités révolutionnaires des dirigeants suprêmes Kim Jong-un. Par ailleurs, y étaient exhibées les œuvres classiques des grands hommes Baek-tsan, les livres et photos présentant les activités des militaires et civils coréens engagés dans la campagne générale pour la victoire finale. Aux séances de film, on a projeté les documentaires coréens comme Kim Jong-il. Les orateurs ont souligné que les exploits accomplis pour l'époque et l'humanité par le général Kim Jong-il, grand homme sans égal, leader du peuple et grand maître de la politique indépendante, seront toujours éternels. Aux cérémonies tenues en Norvège, au Danemark et en Suisse, on a adopté les messages et lettres de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.